Première partie, chapitre 11, le dixième article du symbole. Que nous enseigne le dixième article ? La rémission des péchés. Le dixième article du Credo nous enseigne que Jésus-Christ a laissé à son Église le pouvoir de remettre les péchés. L'Église peut-elle remettre toutes sortes de péchés ? Oui, l'Église peut remettre tous les péchés, si nombreux et si graves qu'ils soient, car Jésus-Christ lui a donné plein pouvoir de lier et de délier. Quels sont ceux qui, dans l'Église, exercent ce pouvoir de remettre les péchés ? Ceux qui, dans l'Église, exercent ce pouvoir de remettre les péchés sont en premier lieu le pape, qui seul possède la plénitude de ce pouvoir, puis les évêques, et sous la dépendance des évêques, les prêtres. Comment l'Église remet-elle les péchés ? L'Église remet les péchés par les mérites de Jésus-Christ, en conférant les sacrements qu'il a institués à cette fin, principalement le baptême et la pénitence.